France Info. France Info. Clémentine Bacry et Adrien Normier viennent de boucler un tour du monde en avion ultra léger. En un an, ils ont visité ainsi 35 pays. En échange du gîte et du couvert, ils ont offert leur service aéronautique à des scientifiques, des chercheurs qui n'avaient pas les moyens de se payer un avion ou un hélicoptère. En Australie, Clémentine et Adrien sont allés de découverte en découverte, parfois à leurs dépens. On arrive dans une sorte de grande termitière géante. Et c'est en fait une ville qui s'appelle Cobber Pedy. C'est une ville minière où les immigrants, qui viennent beaucoup d'Europe centrale, viennent pour chercher de l'opale. Et en fait, en allant en sous-sol pour récupérer cette opale si précieuse, ils ont découvert qu'il faisait bien plus agréable à vivre en dessous. Il y avait un petit 25 degrés permanent, alors qu'au-dessus, il fait plus de 40 degrés. Et donc, en fait, ils ont décidé, la plupart, de vivre en souterrain, de vivre dans des sortes de maisons troglodytes, en fait, directement sous la terre. Donc, on a été avec eux. Ça reste assez mystérieux. Et en tout cas, ça permet de faire fortune pour ceux qui en trouvent. Ensuite, on continue et on avait pris l'habitude, lorsqu'on se posait dans un aéroport, d'avant ça, on fait toujours un tour de piste et donc on survole la ville et on faisait quelques photos du centre-ville et on arrivait souvent avec, à présenter les photos aériennes aux hôtels et leur dire « Est-ce que vous nous échangez une nuit d'hôtel contre les photos aériennes ?» Et ça marchait plutôt bien. Et à un moment, donc, il faisait vraiment très très chaud et donc l'avion ne pouvait plus continuer à voler parce qu'en fait, il aurait fallu monter plus haut pour pouvoir avoir une température plus basse. Le problème, c'est qu'il fallait pour ça augmenter la puissance du moteur et on ne pouvait pas puisque ça aurait augmenté la température. Donc on s'est retrouvé obligé de se poser. Et donc on fait un tour de piste et là on voit que c'est pas vraiment une ville, c'est plutôt une sorte de petit village ou de communauté. Et là on voit qu'il y a des aborigènes, donc on leur demande gentiment « Bonjour, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut loger ?» En échange, si ça vous intéresse, on a des photos aériennes de votre zone. Et là, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ? Aïe, aïe, aïe, territoire sacré, on n'avait pas le droit de prendre des photos. En fait, on les avait directement insultés, sans le savoir. Donc ils sont très énervés, ils nous disent « Non, non, mais repartez d'ici tout de suite, vous n'êtes pas les bienvenus, effacez vos photos et ne revenez plus jamais ». Sauf que nous, on ne pouvait pas redécoller, il faisait beaucoup trop chaud, il fallait forcément qu'on y passe la nuit pour décoller le lendemain matin. Donc on efface toutes les photos, on s'excuse vraiment, vraiment platement. Et finalement, il y a quelqu'un qui accepte de nous dire « Bon ben, allez dans mon baraquement et passez la nuit, je vous apporte à manger, vous sortez pas de là, parce que là, vous avez un peu énervé tout le monde, et puis vous repartirez demain matin. » On passe la nuit là piteusement, on repart, et voilà. Et ça nous a servi de leçon, et après ça, eh bien, on a attendu de se poser dans une ville et de dire « Si ça vous intéresse, on peut faire un tour de piste pour vous donner des photos. » Mais on a attendu que les gens nous le demandent. Fort de cette nouvelle expérience, Clémentine et Adrien se sont envolés pour l'Indonésie. Un univers encore bien différent. On en parle la semaine prochaine à la même heure.